Voir Notre-Dame flirter avec Paname, que n'importe quelle qui dame danse avec moi. Le temps de vivre l'espoir juste pour un soir, même illusoire, croire en l'homme. Ouvrir les yeux, l'esprit comateux, mais toujours heureux, ivre au matin. La misère c'est faire taire les grandes gueules, et nous on fait quoi? On vomit sur l'état, pour se sentir moins seul. Se dire que la vie ce n'est pas que des soucis balayés, le gris et sourire. Rencontrer les femmes fusionnées, les âmes allumées, la flamme que berce le bien-être. Se marrer entre amis, c'est ça la vie. Tu m'envoies ravi et partagé. La misère c'est faire taire les grandes gueules. Et nous, on fait quoi? On vomit sur l'état. Se sentir moins seul. Je voudrais voir Notre-Dame flirter avec Paname, que n'importe quelle qui dame danse avec moi. Le temps de vivre l'espoir juste pour un soir, même illusoire, croire en l'homme. Je voudrais voir Notre-Dame flirter avec Paname, que n'importe quelle qui dame danse avec moi. Le temps de vivre l'espoir juste pour un soir, même illusoire, croire en l'homme. C'est faire taire les gueules. Et nous, on fait quoi? On vomit sur l'état pour se sentir moins seul. Je voudrais voir Notre-Dame flirter avec Paname, que n'importe quelle qui dame danse avec moi. Le temps de vivre l'espoir juste pour un soir, ma mini illusoire croire.